Radio Matic. C'est en contemplant les nappes synthétiques du projet français Au Cœur que s'ouvrait la transmission 059 de l'émission Audiomatique. De Au Cœur, nous écoutions la pièce Light tirée de son premier album intitulé Light as a Feather. Bienvenue à Audiomatique, animé par les électronistes qui, avant de pouvoir se définir, ont dû affubler leur langage de néologisme afin de décrire le plus adéquatement possible cette réalité en constante émergence qu'est la musique électronique, tant au niveau des œuvres qui en découlent que des mondes technologiques et idéologiques qui la font naître. Nous sommes les électronistes et nous devons notre propre existence non pas seulement à notre sens de l'ouïe, mais bien aux entités sonores qui sont concoctées par le traitement synthétique, parfois orchestré par l'esprit humain, et qui nous rendent électronistes lorsqu'elles sont désencryptées par notre appareil auditif. Nous avons créé Audiomatic pour circonscrire dans une durée déterminée ce qui nous permet de nous définir comme nous sommes, c'est-à-dire ce que vous entendrez à l'instant. À Audiomatique, nous entendions la musique du défunt duo britannique Orbital et la pièce Distractions de leur huitième et dernier album studio Wonky, paru en 2012. Les frères Phil et Paul Hartnell ont fondé Orbital à la fin des années 80 et ont décidé de se séparer après une brillante carrière de 25 ans. Phil et Paul Hartnell continuent toutefois de créer musicalement chacun de leur côté. Et nous avions droit pour débuter cette courte séquence au duo torontois Sissy et la chanson Long Distance de leur deuxième album March of the Humans. C'est avec le projet Ghost de l'artiste américain Brian Froh que nous entamons la prochaine séquence musicale. Voici sa pièce Finding Elas. vous êtes assez fait. 89. Malgré la coupure publicitaire, les électronistes sont toujours au poste. D'ailleurs, la séquence musicale se terminait sur la musique du projet Well Droid et sa pièce Liquid Air. Celle-ci se trouve sur le plus récent album de Well Droid intitulé Electron Vault. Avant, nous avions la chance d'entendre une nouvelle composition du groupe Infected Mushroom, soit Animatronica, une composition qui est parue sur le tout nouvel album qui se nomme Converting Vegetarians 2. On se rappellera qu'en 2003, Infected Mushroom avait produit un album double intitulé Converting Vegetarians. Le premier CD offrait une musique techno-trance propre au son que créait ce groupe à cette époque, alors que le deuxième CD explorait divers styles allant du trip-hop à l'ambient en passant par l'intelligent dance music ou, si on peut dire, l'IDM. Le plus récent album duquel est tirée la pièce que nous avons entendue, donc Converting Vegetarians 2, s'inscrit justement dans cette perspective plus créative, soit des compositions exploratoires délaissant la techno et le dubstep pour s'accrocher davantage du côté planant de la musique électronique, allant même jusqu'à flirter avec le rock progressif. Et avant Infected Mushroom, c'est le projet Ghost, dont la graphie s'insère entre parenthèses. Ghost amorçait la séquence musicale avec la pièce Finding Elas, tirée de son deuxième album, A Vast and Decaying Appearance, sorti en 2014. Vous êtes toujours à Audiomatic avec les électronistes, et la mouvance musicale sera assurée cette fois par le duo VCMG. 27, 28, 29, 30, 40. Si tu as un plan cheval, let me know. Galop sur la plage, moment désertique. Audiomatique, vous avez été exposé à la musique du duo français Slove, qui, à notre connaissance, n'a fait paraître qu'un seul album, soit l'album Le Danse. Et vous aurez sans doute deviné que c'est de cet album qu'est tirée la chanson qui terminait ce segment, chanson intitulée Carte postale et sur laquelle on peut entendre la chanteuse Anne-Laure Keeb, une des membres du duo Appaloosa. Et pour débuter, il s'agissait du duo britannique VCMG, formé de Vince Clark et de Martin Gore, qui ont en commun d'avoir fondé le groupe Depeche Mode. Vince Clark a quitté Depeche Mode en 1981 et Martin Gore en est toujours le compositeur principal. Ils ont décidé de collaborer à nouveau 30 ans plus tard pour nous offrir en 2012 l'album orthographié SSSS. De cet album, nous avons entendu la pièce « Wind Up Robot ». La formation qui achèvera la transmission 059 d'Audiomatic offrira un spectacle à Québec le lundi 30 novembre. Il s'agit de Death in June, une entité bien connue dans le monde de la musique pagan folk et gothique, puisqu'elle a fait son apparition en 1980 sur la scène britannique. Aujourd'hui, Death in June est incarné par une seule personne, soit Douglas Pierce, qui compte néanmoins sur des collaborations sporadiques de divers artistes pour ses compositions. Lors de son spectacle à Québec, il sera d'ailleurs accompagné par l'artiste Miroslav Snejd, dont on sait toutefois peu de choses. Donc, si vous êtes intéressé à voir ce groupe culte, voici l'occasion à l'Antibar et Spectacle de Québec lundi prochain. Quant aux électronistes, ils vous présentent une ancienne composition, probablement peu représentative de ce que Death in June fait aujourd'hui, mais cette composition a tout de même la valeur d'artefact musical. Nous entendrons donc la pièce Hidden Amongst the Leaves, paru originalement sur l'album The World That Summer, produit en 1986. Cette dernière pièce ne signifie pas pour autant la fin d'Audiomatic. Elle met un terme à la transmission 059, soit, mais Audiomatic vous reviendra mercredi prochain à compter de 17h pour la transmission 060. Vous avez également l'option d'écouter la rediffusion les samedis à 20h et de vous gaver quand bon vous semble en écoutant toutes nos anciennes émissions en balado-diffusion en vous rendant sur notre profil facebook.com/audiomatic. Voici donc Death in June et la pièce Hidden Amongst the Leaves. Bonne semaine et bon concert à ceux qui s'y rendront. ならば打ちのめしたいお前の敵幻に見た花盛り発火面絶叫と pote la paix. Agapulet.